podcast France Culture. La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Saison 3. Maintenant en podcast natif. Épisode 2. Les excès du recours au financement participatif. Il y a bien longtemps. En 2020, dans ces eaux-là. On avait pris l'habitude de recourir au financement participatif pour diverses choses. Dis donc, t'as des nouvelles de Clarisse ? Bah justement, je voulais t'en parler. Elle sort de sa deuxième chimio, tu sais. Ah, elle est bigre ? Ouais, mais elle se bat farouchement, comme une tigresse. Elle nous en a remontré à tous. Sache qu'elle se tourne en ce moment vers des formes de thérapie moins conventionnelles, plus douces. Ah, c'est bien ça ? Ouais. Donc on a décidé de se cotiser pour lui offrir un extracteur de jus dernier cri à 500 balles. Ah oui, oula ! Ouais, je viens de t'envoyer le lien. Un simple clic suffit pour participer, et comme ça, tous tes amis pourront voir combien tu estimes juste de donner pour Clarisse. Ah bon ? Bah, attends, c'est normal. N'importe qui aurait fait pareil à ma place. Je sais pas. Effectivement, c'était normal. Et le propre de ce qui est normal... C'est qu'il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. Mais j'hallucine que Thierry ait mis que 5 euros pour mon extracteur de jus. Putain, quand je pense que j'en ai mis 20 pour celui de sa femme et 30 pour sa trottinette à ce gros con... Bah, attends qu'il chope un truc, lui. Ouais, c'est clair, je vais pas le louper. Comme ça marchait à tous les coups... Les gens se mirent à employer le financement participatif pour pratiquement toutes les dépenses. Salut, moi c'est Romu. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de payer mon loyer. Alors pourquoi ? C'est très simple. À cause de la loi du 6 juillet 1989, je cours le risque d'être expulsé de mon logement. Je serai alors obligé de venir vivre chez vous. Surtout si vous n'avez pas contribué à cette cagnotte. Alors je vous invite à regarder les contreparties à droite de l'écran. Pour 50 euros, je vous relance seulement une fois par semaine. Pour 100 euros, une fois par mois. Et avec le super pack platine à 250 euros, je vous fous la paix définitivement. À très vite. Et n'hésitez pas à liker et à partager. C'est important. Tout le monde ne payait pas les 250 euros, bien sûr. Mais ceux qui les payaient ne faisaient pas une si mauvaise opération. Et puisque ça marchait, les gens comme Romu rejouaient. C'est normal. Hey, salut la commu, c'est encore Romu. Aujourd'hui, les poteaux, j'ai besoin d'aller à Franprix pour faire 50 balles de course. Alors, quelle course, évidemment, si j'étais vous, je me poserais la question aussi. Le plus simple, c'est encore de vous lire ma liste de courses en toute transparence. Tortellini, PQ, houmous, pain pita, burrata, tomate bio, basilic frais... Au bout de quelques mois de ce régime... Tout le monde vivait sur le dos de tout le monde. Et les seuls à faire fortune étaient les gens des plateformes de financement participatif. Salut machin, ça va ? Yes, et toi ? Dis-moi, t'as pensé à donner quelque chose pour le financement du nouvel EP de mon groupe et le tournage de notre clip réalisé à l'iPhone par Jean-Louis Coste ? T'inquiète, je check ça en rentrant. Et toi, t'as pu faire un petit geste pour le mariage de ma sœur dans une cabane suspendue dans les Landes en présence du bassiste de Gold ? Ah ouais, yes. Tu me renverras le lien, s'il te plaît ? Et ça allait beaucoup. Beaucoup trop loin. Et sinon, t'as checké la page Couscous Bling Bling pour l'achat de ma nouvelle console rétro et les 1 an de couches compostables pour Agneau ? Ouais, j'ai vu ça vite fait, faut que je me penche dessus. Et toi, t'as jeté un œil à la cagnotte citoyenne pour le paquet de clopes que je vais acheter quand j'aurai traversé la rue ? Ouais, promis, je reviens vers toi d'ici fin de semaine. Bon, bah écoute, c'était cool de te croiser. Ouais, toi aussi. Au fait, je te devais pas du fric ? Non, je crois pas. Ayant compris ça, on sait ça simplement de répondre à ses amis. J'ai eu un SMS flippant de Romuald. Apparemment, ils lui ont coupé l'eau, l'électricité et Facebook. Oh putain, c'est flippant. Je savais pas qu'il pouvait couper Facebook, le pauvre. Ouais, j'ai pas répondu, évidemment. Tu parles pauvre. Bon, et toi, ça va ? Ouais, justement, je voulais te dire, t'as vu mon... Mais attends ! En termes de lien social, on avait tout gagné. Ça fait longtemps que t'as pas appelé ta mère, non ? Ouais, c'est pas la peine, je crois qu'elle me filtre. Ah bon ? Oui, depuis qu'on a fait cette cagnotte en ligne pour les couches d'Aigneau. Ah bon, mais c'est horrible. Non, ça m'arrange. Ça va coûter une fortune, leur histoire d'euthanasie en Suisse. Par ailleurs, les gens qui touchaient des allocations passaient pour des voleurs. Ce qui, pour le coup, était complètement nouveau et inédit. Ah oui, du jamais vu. Et dis donc, t'as été voir le Kif Kif Boing Boing pour notre projet de field recording aux Maldives avec Sophie Lucie ? Non, mais tu sais que je suis toujours au RSA. Oh, excuse-moi, tout le monde n'a pas la chance d'être un privilégié. En conséquence ? On adapta le montant des aides sociales. Afin de le rendre plus réaliste. Et c'est une grande victoire pour les partisans du revenu inconditionnel de base voté ce matin par les sénateurs. Après une longue consultation, le montant est fixé à 24,72 euros. Il devrait permettre à tous de se maintenir au-dessus du seuil de pauvreté, à condition de compléter cette somme par le recours au financement solidaire républicain. Benoît Hamon, vous êtes sur notre plateau pour commenter cette victoire qui est aussi un peu la vôtre. Oui, en effet, c'est un immense progrès. Comme je le raconte dans mon livre, un mec qui a gagné la primaire du PS ne devrait pas dire ça. C'était une bonne nouvelle en effet. Parce que ça libérait du temps. Et le temps, on en avait de plus en plus besoin. Pour faire des choix parmi les dizaines de demandes de financement participatif qu'on recevait tous les jours. Tous les jours. Cher machin, des nouvelles de notre campagne pour la sauvegarde des punaises de... Ah, oh, c'est pas vrai, encore une demande de financement participatif. J'en peux plus, ça me prend 6 heures par jour de répondre à ces conneries. Attends, moi je m'emmerde plus avec ça, hein. Regarde. Cynthia, réponds à mes demandes de financement participatif. Vous avez 14 demandes de financement. Voici ma sélection des 4 meilleurs projets d'après l'historique de vos préférences. Culture, ma cousine suce des grands. C'est une nouvelle enceinte connectée. Oh non, en fait, c'est ma secrétaire personnelle, Madame Rick Mooney. Elle m'assiste 10 heures par jour en distanciel depuis Bombay. Avec une ligne pointillée au milieu. Elle parle un peu comme un robot, non ? C'est moi. Ah ouais, non, mais c'est parce que je la fais doubler en direct par une IA. Sinon, avec son accent, j'entends Apu dans Les Simpsons et j'arrive pas à écouter ce qu'elle dit. Une nouvelle économie se développa. Des métiers apparurent. Puis disparurent. Remplacés par des abonnements à 29 euros par mois. On laissait les algorithmes prendre les décisions. Ils s'arrangeaient entre eux. Préférez-vous financer A. L'aide humanitaire au Yémen. B. La guerre au Yémen. C. La prochaine tournée de Vianney au Yémen. Je m'en fous, moi, du moment que c'est déduit de mes impôts. Vous avez choisi l'option bouquet surprise. Super, allez, maintenant on n'en parle plus jamais. Vos préférences ont bien été enregistrées. Adieu. Yémen. On peut ainsi se débarrasser de nos ministres. Ça faisait une sacrée économie. On l'apprend à l'instant, la France aurait désormais les moyens de se payer la Belgique. Une éventualité sérieusement envisagée par les algorithmes qui ont bien noté que vous écoutiez beaucoup Axel Red. Du coup, on n'avait plus vraiment besoin du président non plus. Depuis 50 ans, je savais au fond de moi qu'un archi vaincrait. Mais j'aurais jamais cru que ce serait comme ça. Comme les autres pays faisaient pareil, le monde entier fut bientôt régenté par un gouvernement global qui prenait toutes ses décisions en analysant ce que les gens regardaient sur Netflix. On l'apprend à l'instant, les priorités du gouvernement mondial pour l'année prochaine sont les suivantes. De la comédie, de la drogue, des flingues, des voitures qui explosent et de temps en temps, du noir et blanc et des filles qui jouent aux échecs. Michel Houellebecq était tout contrit d'avoir raté cette modalité du déclin civilisationnel. Ah ouais, non, je l'ai pas vu venir. De toute façon, de plus en plus, les algorithmes finançaient les projets d'autres algorithmes. Ils fonctionnaient en vase clos. En nous laissant crever la gueule ouverte. Cynthia, j'ai faim. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la burrata. Oh. Voulez-vous faire un don de 1 euro à Syndicat des produits laitiers ? Les comédiens et comédiennes sont encore maintenus en vie. On leur donne des verres d'eau et des galettes de soja. Il faut bien qu'il reste des gens pour jouer dans les séries Netflix et enregistrer la préhistoire du futur. Et il y a aussi ceux qui écoutent. Les gens qui avaient déjà plein d'argent. Michel Houellebecq, par exemple. Mais d'autres gens aussi. Des gens comme vous. Merci d'avoir écouté La préhistoire du futur. Les gens comme vous ont également aimé Black Mirror, Concordance des temps, La guerre du feu et L'âge de glace 4. Si vous ne souhaitez pas payer 45 euros par an pour télécharger automatiquement ces contenus, dites « Par pitié, laissez-moi mourir ». Merci de votre confiance. C'était La préhistoire du futur de Benjamin Habitant. Avec Elisabeth Mazève, Mario Bastelica, Juliette Alauzen, Cyril Texier, Laure Sully, Benoît Guibert, Adeline Chagnot, François Debreuil, Annabelle Croze, Samuel Roger, Laurence Maillot, Alain Fournager, et les voix de Nicolas Balu, Thierry Garcia et Alice Cachaner. Conseillère littéraire Céline Geoffroy. Bruitage Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage Éric Boisset et Pierre-Henri. Assistante à la réalisation, Clémence Boucher. Réalisation, Benjamin Habitant.